suis un grand spationaute qui combat des cosmonautes de l'URSS à l'aile gauche de l'ISS. Grâce aux ISF, Pecto pense pas aux autres. Nos os font bouger ton cœur comme les trafics d'organes transnationaux. Nick, tous ces francs-maçonniques, j'suis du genre laconique. J'cause qu'en acronyme, j'suis la traque cuite dans la chronique. T'es dans la vente narcotique, mais tes muscles s'atrophient face au crime. Attends, j'ai pas tout dit. J'veux à tout prix que ta copine diagnostique ma grosse bite. T'as trop dream, applaudissez. Vos gueules. Je travaille ma rhétorique comme si j'étais en droit. Si t'es gênant toi, tout semi-automatique, ton rêve t'étais 33. Dans ton foie, comme au Tennessee, on trouve dessus comme si t'étais niçois. Pour moi le rap c'est très dérisoire, mais si c'est pas moi qui s'y colle, c'est qui? Et s'il y a des cons qui rigolent, frère, j'ai l'air calme, mais au fond j'suis bonze qui s'immole. Passe 13.